Les navires des forces navales sud-coréennes s'infiltrent de plus en plus fréquemment dans la zone de points chauds de la mer de l'Ouest de Corée, dans les eaux territoriales de notre République. Rien que ces 10 derniers jours, 101 navires sud-coréens au total ont fait intrusion dans nos eaux territoriales à 81 reprises, soit presque deux fois supérieur au nombre d'intrusions du mois de mars dernier. La gravité de la situation réside à ce que ces provocations coïncident avec l'apogée des manœuvres militaires conjointes codées Aigle livrées sur toute l'étendue de Corée du Sud en vue de la première attaque contre notre République et l'élévation au maximum du niveau de provocation militaire contre nous par l'introduction urgente des moyens de frappe nucléaire américains comme le porte-avions ultra-géant à propulsion nucléaire Kalbinson et le sous-marin à propulsion nucléaire Michigan dans les parages de la péninsule coréenne.